doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté au cœur d'un immense feu, frappé par un éclair, secoué à mort par un grand tremblement de terre, précipité du haut de falaises de 30 000 mètres, emporté par une maladie mortelle ou contraint à se faire seppuku à la mort de son maître. Et chaque jour, sans faute, on doit se considérer comme mort. Rare et légendaire, rare et légendaire, la patte, le glaive, la patte, le glaive, rare et légendaire, rare et légendaire, la barbe, le nerf, la barbe, le nerf, rare et légendaire, rare et légendaire, si le nerf et la barbe, si le nerf et la barbe. Légendaire, je tomberai si l'honneur est là-bas. Si l'honneur est là-bas. Yeah, on arrive cool, on a marié la patate au rap. La vie trouvera ma viande avariée, ma patate au rap. Varié, varié, la patate au rap, c'est l'intégralité de mon parié. Que la patate au rap. Mon rap t'accrédite, t'enlève un sentiment. La pitié ne me fait pas de crédit quand les 20 centimes manquent. Le temps veut m'attraper, m'efface, qu'il fasse. Que l'on ne se rappelle de moi que de ma frappe et mes phases. Puisqu'ils sentent le danger, c'est le cas, les cordes au cou. Puisqu'ils se sont mangés les ailes, gars, les cordes au cou. Puisque la faune prit la fuite, que mon cri résonna. Ne restera que le bruit et le vide de mon tri raisonnable. Mes paroles et chansons qu'un faux boloscopie. Mais moi, pas drôle mes chansons, un flot coloscopie. 100 degrés sur des cendres grises, laissant le crime sans regret sur des ondes green. Rare et légendaire, rare et légendaire, la patte, le glaive, la patte, le glaive. Rare et légendaire, rare et légendaire, la barbe, le nerf, la barbe, le nerf. Rare et légendaire, rare et légendaire, si le nerf et la barbe, si le nerf et la barbe. Rare et légendaire. On arrive cool, mais on a marié le talent, le mort. On a pris goût à l'ombre, au noir, à l'angle mort. On a pris le boule de trop d'instru, puis le pouls de trop d'intru. Clic, boum, dites-vous que les pitbulls de province tuent. Au culot bien sûr, je crache la prose en scud. Yo yo, les morceaux sont studieux, mais c'est narcos en stud. Stup et faux plein le tube, mon frère je partage. Pas sans défaut penses-tu, la haine est palpable. Crame sans MC par page, en rap je peux t'en faire des lits. D'ici je pars pas, en rage je vis l'enfer des villes. Le 16 est rythme mes cuts, mes temps de barbare. Est-ce que toi ton beatmaker sort des bras de barbale? Ils ont perdu l'âme, frustré, ils rêvent que tu te noies. Pour me faire du mal, tu le sais, il y a pas pire que moi. La rue a le budget pour cette verdure là. J'percute à le sujet, le verbe hurla. Rare et légendaire, rare et légendaire, la patte, le glaive, la patte, le glaive. Rare et légendaire, rare et légendaire, la barbe, le nerf, la barbe, le nerf. Rare et légendaire, rare et légendaire, si le nerf et la barbe, si le nerf et la barbe. Rare et légendaire. Viens là sous le drapeau, mes salopards hurlent, oh les gueules. Viens là sous le capot, mais ça sort pas du poney club. Ma race au galop, les gros les sables, les gros les sœurs. Ça tape dans le barrio, et le gros fessard du professeur. Hip hop lunaire, musique hardcore, pas trop populaire. On pollue l'air, ça pique la gorge et les globes oculaires. On roule en air. AR, les locaux populaires, le roule nerf, sa mère, les faux oculaires. Là sous le drapeau, mes guerriers rock, que vous verriez remparts. Terne, héros, rôle, les derniers rôles des derniers remparts. Crier, crier, faire briller quand c'était férié. Quand je kickais, que tous tes frères riaient. Mais le terrier ment pas. Fut le verbe calibré, le fer est déguisé. Vu que j'ai de la barbe à calibrer, le fer est déguisé. Avoue qu'un grand attaque, il les foule. Le fou les fou, j'ai qu'un plan d'attaque, il est fou. Rare et légendaire, rare et légendaire, la part.